France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Un grand lieu culturel mythique à Paris, le théâtre des Champs-Élysées. Le théâtre aurait 10 ou 15 ans, il serait facile de recueillir les témoignages des premiers acteurs de cette salle de concert. Acteurs au sens général de créateurs, d'architectes, de financiers aussi, de compositeurs, de metteurs en scène, de musiciens, de décorateurs et bien sûr de spectateurs. Mais le théâtre a 100 ans, puisqu'il a été inauguré au printemps 1913. Alors, imaginant sans doute ce centenaire et pensant à nous et à vous, nos prédécesseurs de la Radio Nationale ont eu l'excellente idée de célébrer le cinquantenaire du théâtre des Champs-Élysées. Depuis le début de la semaine, les témoins, les proches des témoins et leurs descendants ont parlé. Alors, cette nuit, dernière émission de la série, les grands concerts, première diffusion sur la chaîne France 3 Nationale, le 10 avril 1963. Henri Barrault, Jacques Bazire, Pierre Bertin, Gabriel Bouillon, Madame Bourdel, Robert Bronstein, Jean Cocteau, Antal. À l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées, RTF, France 3 Nationale présente 15 Avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Olivier Messiaen, aujourd'hui, Nicolas Nabokov, les grands concerts. Pierre Petit, coproduction Prêt, Jacqueline Arpet. Armand Pirral, assistant Manuel Pierre Cazaret. Présentation Manuel et réalisation Constant, Pierre Barbier. Arthur Rubinstein, Henri Sauguet, Pierre Scheffer, Henrik Schering, Charles Van, Jean Lemaire. Au cours de précédentes émissions, nous avons parlé du théâtre comme objet en soi, puis du concert inaugural et des premières saisons de ballet, ballet russe, suédois et balayos, puis des ballets du Marquis de Cuevas et des Champs-Élysées. Enfin, la grande soirée a été consacrée aux multiples souvenirs des vedettes internationales. Aujourd'hui, nous abordons les grands concerts et le portrait de quelques virtuoses. C'est Henri Sauguet qui ouvre le feu. Le théâtre des Champs-Élysées, mon Dieu, je crois que c'est le théâtre où je suis le plus allé en tant que spectateur et en tant qu'auteur depuis plus de 40 ans que je suis devenu citoyen de la ville de Paris. Pour moi, le théâtre des Champs-Élysées, c'est un peu la basilique de la musique et de l'art contemporain. C'est le lieu où la sensibilité de notre temps s'est le plus souvent et le mieux manifestée. Et il reste encore aujourd'hui vraiment un moment de la sensibilité contemporaine. Le théâtre des Champs-Élysées resplendit dans le firmament des théâtres de Paris d'un éclat tout à fait particulier. Il est le seul, je crois, où presque toutes, et je dirais même toutes, les manifestations de l'art d'aujourd'hui ont été mises en évidence. Des batailles ont eu lieu, des triomphes ont eu lieu, des querelles ont eu lieu, et c'est l'endroit le plus vivant de l'art théâtral et musical contemporain. Et si j'avais un vœu à formuler, ce serait, voyez-vous, d'être enterré dans les sous-sols du théâtre des Champs-Élysées, que je connais bien d'ailleurs pour y être perdu. Il nous faut bien remonter au début du théâtre et nous retrouvons tout naturellement le nom d'Astruc qui est lié à celui d'Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein ? Il m'a présenté aussi alors justement à M. Gabriel Astruc qui commençait ses affaires d'impresario. C'était tout à fait au début. J'étais, je crois, son contrat numéro 2. Et son contrat numéro 1 était encore une compatriote, Wanda Landowska, avec laquelle il avait un contrat pour 5 ans et aussi avec moi. C'est très curieux. Mais je n'étais pas prêt pour des grandes choses. Il fallait me présenter modestement. Mais comme il voyait toujours en grand, il pensait que j'étais un peu un star, comme on dit maintenant. Alors on ne connaissait pas cette expression aussi peu française. Il a voulu me présenter en grand gala. Il a obtenu des fonds de la maison Gaveau, ce qui m'a obligé de jouer un piano que je ne connaissais pas, parce que j'avais l'habitude de jouer des Bechstein et des Steinway. J'ai été éduqué à Berlin. Et il a obtenu aussi le patronage de la comtesse Grefful. Vous savez, c'est la duchesse de Guermantes de Proust, qui avait alors une espèce d'association qui s'appelait les Grandes Auditions de France. Ça veut dire qu'elle savait, n'est-ce pas, habiller l'éloge des dames en grand décolleté, diamanté. C'était d'un chic extraordinaire. Et elle a bien voulu accepter ça. De présider mon premier concert, qui était avec l'orchestre L'Amoureux, sous encore Chevillard, au Théâtre Nouveau, au Nouveau Théâtre, enfin plutôt, qui est maintenant le Théâtre de Popesco, le Théâtre de Paris. Et il y avait dans la salle, enfin, il y avait Ravel, qui était un jeune homme qui commençait sa carrière. Il y avait tous ces gens-là. Il y avait Saint-Saëns qui est venu pour entendre son concerto joué par moi. Et pour faire une diversion dans le programme, on a engagé une petite cantatrice qui venait faire un certain succès, mais très discuté, dans un opéra assez moderne, aussi bien discuté, qui s'appelait Pelléas et Mélisande de Debussy. Et cette petite cantatrice, c'était Mary Garden, qui contribuait à mon programme avec trois chansons oubliées de Debussy. C'est extraordinaire. Vous savez que vraiment, ce sont tout ça des souvenirs extraordinaires. Eh bien, je dois dire que j'ai très mal joué ce soir-là, comme prévu. On a été gentil pour moi, on a été très gentil pour moi, mais ça a été difficile après de retrouver vraiment mon chemin. Nous n'avons peut-être pas suffisamment parlé d'une grande première des débuts du Théâtre des Champs-Élysées qui a été celle de Pénélope de Fauré. Pierre Bertin nous rappelle l'événement qu'a été cette création. J'ai assisté au Théâtre des Champs-Élysées à une représentation de Pénélope qui n'avait jamais été jouée à Paris. Pénélope avait été créée au mois de mars de cette année, 1913, à Monte-Carlo, et on voulut la donner à Paris. Qui était vraiment légitime. Je crois bien que les interprètes que j'ai vus étaient Murator, dans le rôle d'Ulysse, et Madame Croizat, qui chantait le rôle de Pénélope, alors que la pièce avait été créée à Monte-Carlo par Lucienne Bréval et par Rousselière. Là, vous savez, là, j'ai un doute. Mais enfin, je suis sûr que c'était Murator qui chantait le rôle d'Ulysse, parce qu'il y était extraordinairement beau à voir. Il était un vrai demi-dieu. Vous savez, Murator était un très beau chanteur, surtout plastiquement un acteur admirable. Et puis, il était très musicien. Alors, cette représentation était très belle, mais le public était un peu glacé. Vous savez, Fauré pâlissait un peu derrière Debussy, derrière Ravel. On ne le mettait pas du tout à sa place. Et surtout, on ne voulait pas admettre qu'il fût un auteur de théâtre. Or, je vous assure que cette partition de Pénélope, pour moi, je la trouve sublime. Et on ne la joue pas assez. Les vieux Parisiens, les mélomanes, les musiciens n'oublieront jamais la première grande série de concerts du Théâtre des Champs-Élysées. Je veux parler des concerts Straram. André Jolivet vous en parle. Si mes souvenirs sont bons, Walter Straram avait inauguré ses concerts particulièrement consacrés à la musique contemporaine à l'exposition des arts décoratifs de 1925. Dans les années qui suivirent, les concerts de Walter Straram, le jeudi soir au Théâtre des Champs-Élysées, furent incontestablement un des centres importants de la vie musicale de Paris. Et tous les jeudis, on peut dire que les 200 ou 300 figures qui constituaient le milieu musical de Paris s'y retrouvaient, mêlés d'ailleurs à une foule nombreuse d'amateurs de musique et de gens passionnés pour les parfaites exécutions que ce chef savait mettre au point, et aussi pour les présentations d'œuvres nouvelles qu'il faisait. Et pour vous, Henri Sauguet, que représentent les concerts Straram ? Je faisais de nombreuses et de plus en plus fréquentes apparitions sur la scène comme dans la salle de la grande salle, soit pour écouter les inoubliables séries de concerts que Walter Straram, devenu après que le Rolf de Marais eut créé la fameuse revue nègre dont Piral parlait tout à l'heure et transformé pendant quelque temps le théâtre des Champs-Élysées en music hall où nous avons eu la joie d'y voir des femmes comme Argentina, l'extraordinaire numéro de Barbette et tant de choses. Enfin, ça, d'autres que moi parleront du music hall au théâtre des Champs-Élysées. Donc, Walter Straram, après que Madame Ganavalska eut acquis le théâtre et dont elle reste toujours la propriétaire, vénérée et considérable, nous avons donc eu cette série absolument inoubliable de concerts Straram. Vous savez que Straram était un chef d'orchestre de haute valeur et en plus de ça d'une grande culture et d'un goût très très très personnel. Et je crois qu'à peu près toutes les œuvres de musique contemporaine créées, qu'elles fussent de Bartok, qu'elles fussent de Berg, qu'elles fussent de Millau, qu'elles fussent de Stravinsky, de tant d'autres, ont été exécutées là. Non les miennes, car Straram n'aimait pas ma musique et il me l'a souvent montré. Mais enfin, ceci est tout à fait autre chose. Je le comprends très bien qu'on n'aime pas ma musique. Souvent, moi-même, je ne l'aime pas toujours. Mais enfin, ceci dit, pour en revenir à ces concerts Straram, nous avons là, évidemment, eu d'immenses panoramas de toute la musique contemporaine vivante. Il y eut également cette admirable saison Mozart que Bruno Walter vint diriger. Vous savez, je crois que Mozart, pendant très longtemps, n'était pas très aimé des Parisiens. Et je me rappelle très bien que quand je suis arrivé à Paris, il suffisait que le nom de Mozart et même celui de Bach fussent annoncés dans des concerts pour qu'ils fissent le vide dans la salle. Et c'est à ce moment-là que se créa la société Mozart, auquel est lié le nom de Madame Humbert, vous savez, et furent représentés les ouvrages de Mozart dans une saison Mozart que Bruno Walter commença à diriger et qui fut après dirigé par Reynaldo Hahn, qui la termina. Les admirables saisons d'Italien, les admirables saisons de enfin, je ne sais pas, le théâtre des Champs-Élysées à ce moment-là était une sorte non point de succursale ni de salle rivale de l'opéra mais de salle complémentaire de l'opéra et de l'opéra comique, salle complémentaire que nous aimerions aujourd'hui voir officialisée. Car il est évident que ni l'opéra comique ne suffisent pour exploiter le répertoire lyrique à Paris et qu'il est manifeste que le théâtre des Champs-Élysées est admirablement placé pour tenir le rôle de la troisième scène que l'on cherche souvent vainement dans Paris et qui, peut-être parce que c'est trop facile, peut paraître être là si évidente et si parfaitement faite pour remplir ce rôle. Lilia Skin a appartenu à l'orchestre des concerts Straram. Elle y a d'ailleurs connu des chefs d'orchestre comme Toscanini, dont elle nous parlera tout à l'heure. C'est une des plus grandes émotions encore maintenant quand j'entre au Théâtre des Champs-Élysées. Pour moi, c'est une époque de ma vie artistique et même, je pourrais presque dire, sentimentale, extraordinaire. J'ai fait presque tous les concerts Straram, c'est-à-dire à partir de la deuxième année jusqu'à sa mort. Et nous avons fait des concerts extraordinaires qu'on ne recommencera jamais par l'ambiance, l'amitié, la gentillesse et sa générosité vis-à-vis des compositeurs. J'ai joué là les œuvres de tous les auteurs contemporains qui peuvent témoigner que leur première œuvre a été jouée au Théâtre des Champs-Élysées chez Straram. Lili Laskin, quels compositeurs ont été joués chez Straram? Oh, je ne vais peut-être pas m'en souvenir tout de suite, mais... Delvincourt, Dutilleux, Barreau, Messiaen, Rivier, dont je crois l'ouverture pour une opérette imaginaire a été en première audition chez Straram. Pouvez-vous, Lili Laskin, évoquer pour nous Straram en tant qu'être humain? Un homme merveilleux. Pour moi, c'était un ami extraordinaire, incomparable, d'un courage inouï, car il a continué ses concerts étant malade, vraiment condamné. Et je me rappelle qu'il faisait certaines répétitions encore avec un petit micro sur la poitrine parce que sa voix ne pouvait plus porter tellement. Il a aimé la musique et les musiciens et ses artistes comme je crois qu'on ne le retrouvera jamais. C'était un homme qui faisait merveilleusement répéter. Il était très, on peut dire, fignoleur, même... mettons même tatillon, mais il obtenait des résultats merveilleux, quoi n'ayant pas le physique du chef d'orchestre, le physique public, que nous aimons beaucoup maintenant, des grands gestes, beaucoup d'extérieur. Lui n'avait absolument pas ça. On disait, il est mieux aux répétitions que le soir. Il était encore très bien le soir, mais aux répétitions, alors c'était incomparable. Et puis alors, une atmosphère de camaraderie, la cigarette, même pendant qu'on répétait, ce qui n'est pas très très correct. Mais tous les camarades que j'ai retrouvés depuis me disent tous, mais l'atmosphère Straram, nous ne la retrouverons jamais. Lili Laskin, vous avez eu le grand bonheur de jouer sous la direction de Toscanini. Oui, justement, l'orchestre Straram avait été choisi par Toscanini pour ses concerts à Paris. Il en a donné, je ne peux pas vous dire exactement, je crois 4, peut-être une autre année. Ça, mes souvenirs ne sont pas exacts, mais il a été enchanté de l'orchestre. Et c'était un homme très difficile à contenter, puisque la seule fois sur tous les concerts où il y a eu un petit, on ne peut pas dire un accident à une trompette, il n'a jamais voulu revenir après l'entracte, il a fallu le tirer de force. Il dit non, non, non, je suis trop malheureux, cette faute à la trompette, c'est absolument impossible et tout ça. Alors, il a continué tout de même, et c'est pour dire que l'orchestre était magnifique, et il a dit qu'il a rarement, dans aucun pays, il n'avait eu des sensations artistiques comme chez nous. La vie du théâtre des Champs-Élysées est extrêmement variée, comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le dire, et vers cette époque, deux pianistes, Vienner et Doucet, avaient un succès extraordinaire à Paris. Naturellement, Jacques Héberto les a invités au Théâtre des Champs-Élysées. Jean Vienner. Des souvenirs, j'en ai beaucoup, et particulièrement de l'époque Héberto, qui a été l'époque où j'ai donné mon tout premier concert avec Clément Doucet. C'était un concert avec une merveilleuse chanteuse qui s'appelle Gabrielle Gilles, qui est probablement la femme dans le monde entier qui a le mieux chanté les mélodies de Fauré. Et un jour, que j'avais joué un concerto de moi, qui s'appelait le concerto franco-américain, au concert Padeloup, et qui avait fait d'ailleurs un énorme scandale, car j'avais déjà le goût des concerts salades, c'est-à-dire des concerts où on donne de la musique de Bach ou de la musique d'Offenbach, où on fait chanter Montero ou Madame Damia, et puis on donne un quatuor inédit de Rossini, et puis on donne le dernier quatuor de Millau qu'il a terminé avant-hier soir. Quelqu'un a dit, mais il faut absolument que vous donniez un concert avec Monsieur Doucet, parce qu'on avait remarqué cette espèce de, comment dirais-je, de miracle qu'il y avait entre son jeu et le mien. Car ce que j'ai oublié de vous raconter, c'est qu'à la suite de cette histoire de Padeloup, Jacques Roucher, qui était à ce moment-là directeur de l'opéra, Jacques Roucher mariait une de ses filles et il m'avait dit qu'il adorait ce concerto et qu'il voulait tenait une petite soirée et qu'on entende ce concerto chez lui. Mais, dit-il, je ne peux pas avoir 80 musiciens dans mon salon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Alors, je me suis rappelé que quelques jours avant, on m'avait présenté Clément Doucet, qui avait été aux États-Unis et qui était comme moi tout à fait ému et émerveillé par la chose négro-américaine, qui m'avait donc raconté tout ce qu'il avait entendu là-bas, puisque moi je n'y avais point été. Et alors j'ai été le voir et je lui ai dit, est-ce que ça vous dirait quelque chose de venir jouer chez M. Roucher? Alors il m'a d'abord dit qu'il en était incapable, mais comme je savais que c'était une espèce de génie du piano, je l'y ai forcé et un beau jour nous avons donc joué ce concerto à deux pianos au lieu de le jouer avec l'orchestre. Et c'est à la suite de ça qu'on a eu l'impression de ce que j'appelais tout à l'heure ce miracle qu'il y avait entre deux pianistes dont les goûts étaient diamétralement opposés. Il suffisait que j'aime une œuvre d'art pour qu'il la déteste, que je remarque une jolie jeune fille pour qu'il la trouve hideuse. Et c'est pour ça, probablement, que quand nous mettions nos quatre mains sur deux pianos, c'était tout à fait sensationnel. Mais je raconte trop de choses. Et nous avons donc donné au Théâtre des Champs-Élysées un premier concert qui a été un succès absolument foudroyant, tellement foudroyant que nous avons dû en donner 3 ou 4 autres à peu près immédiatement, et que jusqu'en 1939, nous avons joué 2 200 ou 300 fois en public, tous les deux. On regardait les affiches en passant avenue Montaigne, et il y avait de quoi vous rendre malade, et tant pis pour le prix des billets, eh bien, on en prenait pour tout, parce que vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ensuite, j'ai vraiment, personnellement, donné là des choses comme le Socrate de Satie, avec Madame Balguerie, dirigée par André Caplet, et puis ces soirées de musique viennoise. Je me rappellerai toujours une certaine soirée où on avait donné le Pierrot Lunaire, que j'avais déjà donné ailleurs plusieurs fois. Et pour la première fois, ce Pierrot Lunaire avait été accepté, écouté avec beaucoup d'attention. Et il y avait eu des tonnerres d'applaudissements à la fin. C'était Darius qui le dirigeait. Et moi qui jouais le piano naturellement avec mes camarades. Et Madame Maria Freund qui le chantait. Et cette fois-là, évidemment, il y avait toujours quelques sifflets à la fin. Mais enfin, ça avait été un gros succès. Et toujours avec ma manie des salades, j'avais cru bon de terminer le concert, qui avait commencé par des pièces de Webern, par des valses de Strauss. Et alors là, ça a été un scandale épouvantable. J'ai reçu des tomates et des injures. Et j'ai quand même terminé mes valses en disant, je me suis levé une fois et j'ai dit que ça vous fasse plaisir ou non, je jouerai mes valses de Johann Strauss jusqu'au bout. Et ça s'est terminé dans un vacarme extraordinaire. Mais c'était assez typique, n'est-ce pas, de cette époque-là, où commençait le snobisme des choses difficiles à digérer et où on n'a pas voulu admettre, jouer très proprement sur un admirable Steinway, des valses de Strauss qui vraiment ne font de mal à personne. Il s'agissait essentiellement de concerts d'avant-garde, n'est-ce pas, Jean Viennaire ? C'était des concerts où on donnait les toutes premières auditions des six, on donnait les premières auditions de Satie, de Stravinsky. Et alors, très particulièrement, car à l'époque, je pensais que ça avait une très grande importance, on a montré au public, pour la toute première fois, les œuvres de ce qu'on appelait l'école de Vienne, c'est-à-dire Arnold Schoenberg, Alban Berg, Webern, et quelques autres, mais enfin surtout les choses de Schoenberg. Et c'est chez moi qu'on a donné pour la première fois ce fameux Pierrot lunaire qui a fait couler tellement d'encre. Et à ce propos, d'ailleurs, je souris un peu quand je vois qu'on découvre en 1940, dans des concerts également dits d'avant-garde, les mêmes choses que Darius et moi nous avions montrées il y a 40 bonnes années. Et alors, à cette époque-là, pour moi, ça avait une très grande importance parce que la musique avait besoin d'une espèce de coup de poing, les gens avaient besoin de penser un tout petit peu parce que la musique devenait un peu trop facile. Maintenant, je pense que ça a un tout petit peu moins d'intérêt. Maintenant que la musique appartient à tout le monde et qu'il faut faire venir des masses, des quantités de gens à la musique, alors il ne faut pas les effaroucher, les effrayer avec des choses trop difficiles et trop systématiques. Or, le sériel, c'est même un petit peu systématique. Une autre grande série de concerts est donnée par la Société des concerts de conservatoire. À présent, Pierre Petit interroge Manuel Récassens et Raymond Gallois-Montbrun. Monsieur Récassens, vous êtes, je crois, le secrétaire général adjoint de la Société des concerts du conservatoire. Et je vous serais reconnaissant de bien vouloir préciser à nos auditeurs ce qu'est cette fameuse Société des concerts du conservatoire. La Société des concerts du conservatoire est une association de concerts symphoniques, la plus ancienne d'ailleurs, puisqu'elle a été créée en 1828. Elle groupe des professeurs du conservatoire, des lauréats du conservatoire, presque uniquement des premiers prix d'ailleurs, et son activité au cours de la saison, qui commence au mois d'octobre et se termine fin mars, comprend 20 à 24 concerts, 10 concerts de session. Elle est actuellement, depuis 2 ans, placée sous le régime des associations loi 1901, ce qu'elle n'était pas auparavant et qui compliquait certainement sa tâche. Depuis toujours, et statutairement, la Société des concerts est placée sous la présidence du directeur du Conservatoire national de musique de Paris, actuellement M. Raymond Gallois-Montbrun. Depuis 1 an, nous avons la chance de l'avoir à notre tête et nous comptons énormément sur son appui et sur son expérience pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Monsieur Gallois-Montbrun, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment et par qui a été créée cette Société des concerts du conservatoire dont M. Récassens vient de nous préciser qu'elle a été fondée en 1828? En réalité, le début de son histoire remonte à l'année 1795. Vous voyez que ce n'est pas d'hier. À cette époque, l'École royale de musique et de déclamation, fondée en 1784, recevait le nom de Conservatoire national. Moins de 10 ans après, en 1803, une sélection de ses élèves et lauréats, encadrés par les professeurs eux-mêmes, était chargée d'assurer dans le cadre de l'école des exercices d'élèves, qui en fait étaient déjà de véritables concerts. Devant le succès de ces exercices, Abneck, qui en avait assumé la direction, eut le désir de transformer son équipe, soumise, vous vous en doutez, au renouvellement périodique, aux obligations de la scolarité, en un groupe stable, dont les concerts seraient l'unique préoccupation. D'accord avec Cherubini, devenu directeur du conservatoire en 1822, des statuts furent élaborés, et c'est ainsi que naquit, en 1828, c'est la date exacte de sa naissance, la plus ancienne et la plus glorieuse de nos associations symphoniques, la Société des concerts du conservatoire. Et à partir de quand cette Société des concerts du conservatoire s'est-elle installée au Théâtre des Champs-Élysées dont nous fêtons actuellement le cinquantenaire? Eh bien, tout d'abord, il y eut un concert exceptionnel, disons un concert hors série, en l'année 1923. Concert qui a été dirigé par le grand Philippe Gobert. Mais en fait, c'est en octobre 1944 que la Société des concerts s'est installée définitivement au Théâtre des Champs-Élysées. À cette époque-là, et avant cette année 1944, la Société des concerts avait pour responsable Charles Munch en tant que président-directeur et bien entendu chef d'orchestre. Il exerçait alors dans la salle des conservatoires, qui s'appelait autrefois la salle du conservatoire, rue du conservatoire, cette magnifique salle que beaucoup connaissent. Et les succès de ces concerts étaient tels que rapidement la salle est devenue trop petite. Elle ne contient en effet que 851 places. Et c'est pour cette raison, une raison donc de succès, qu'il lui a fallu abandonner cette salle et s'installer au Théâtre des Champs-Élysées qui, lui, compte 2000 places. N'est-il pas vrai que les plus grands solistes internationaux recherchent comme un indiscutable honneur de jouer avec cette société et que les plus grands chefs recherchent de la diriger? Oui, c'est absolument exact. Et ça se comprend si on veut bien réaliser que c'est un hommage que les uns rendent aux autres. Il est évident que pour les très grands solistes qui paraissent à la Société des concerts, ils rendent par là hommage à la constitution même de l'orchestre de la Société des concerts qui comprennent donc ses professeurs, ses grands élèves d'abord qui sont devenus de brillants lauréats ensuite. Et alors, évidemment, dans l'autre sens, c'est aussi, mon Dieu, un très grand honneur pour la Société des concerts que de recevoir ses plus grands virtuoses étrangers quand ils passent en Europe. Pourriez-vous nous dire, avant que nous nous quittions, quelles sont les œuvres contemporaines les plus importantes, les plus marquantes qui ont été créées par la Société au Théâtre des Champs-Élysées? Je vais bien vous en citer quelques-unes, je crains seulement de n'en citer justement que quelques-unes. Mais d'ailleurs à cette question, mon cher Pierre Petit, est-ce que vous ne voudriez pas répondre vous-même? Si vous le permettez, on peut remonter, en dépassant même le cadre du Théâtre des Champs-Élysées, remonter à la création de la 9e symphonie de Beethoven. Cette création fut assurée par Habeneck, aux environs de 1840 je crois, et ce brave Habeneck avait une peur monstre de choquer son public avec une œuvre aussi importante. Alors il a pris la grande décision, la décision héroïque de couper la 9e symphonie en deux. Dans une première partie, il a donné la première moitié de la 9e. Ensuite, une dame est venue chanter un air de Bellini. Un monsieur est venu jouer un petit air de cornet à piston. Et à ce moment-là, après avoir calmé l'esprit des auditeurs, on a pu enfin donner la deuxième partie de la 9e qui est passée comme une lettre à la poste. Depuis ce temps, évidemment, notre public est devenu plus perméable aux œuvres contemporaines. Et c'est ainsi que la cantate de Noël de Neger a été créé par la Société au Théâtre des Champs-Élysées, qu'on a consacré au groupe des Six, avec la participation de Jean Cocteau, un concert mémorable, que le Perséphone de Stravinsky, que le Psaume de Schmitt y ont connu des exécutions remarquables. Mais qu'il s'agisse de musique contemporaine ou de musique classique ou romantique, il y a, je crois, une sorte d'esprit de la Société des concerts du Conservatoire. Cet esprit, évidemment, il peut se définir ainsi. Enfin, il y a deux grandes missions qui sont à la charge de cette Société des conservatoires et à laquelle d'ailleurs elle n'a pas failli jusqu'à présent. Il lui appartiendra de continuer. C'est à la fois, mon Dieu, de nous offrir le grand répertoire classique, celui qui est admiré du public, et de nous l'exécuter sous la forme la plus pure, dans le style le plus remarquable, et aussi naturellement de servir davantage encore, s'ils le peuvent, la musique contemporaine. Nous allons demander leur opinion à deux chefs d'orchestre. Tout d'abord, Georges Prêtre. J'aime beaucoup l'ambiance du Théâtre des Champs-Élysées, surtout le dimanche. Hein. Je vous dis ça parce que le public du samedi matin est quelquefois un peu froid, à mon avis, parce qu'il a envie de partir très vite. Et tandis le dimanche, je pense que l'ambiance est extraordinaire. Et j'aime beaucoup cette salle. Je la trouve très, pour moi, je ne sais pas, très distinguée. Malgré une certaine, rigueur, Je la trouve très distinguée, très chaude. Jacques Bazir. La partie symphonique de mes activités, naturellement dans mes programmations, je laisse la place la plus large possible compte tenu des goûts du public, qui sont quelquefois un petit peu réticents. Je fais la part la plus grande possible, donc, aux compositeurs contemporains. J'ai eu ici, par exemple, avec la Société des Concerts, la joie de diriger la 4e symphonie de Prokofiev, œuvre qui est très, très, très rarement jouée, et que j'avais d'ailleurs enregistrée peu de temps auparavant. J'ai eu aussi l'occasion, à ce même concert, de diriger un ouvrage de Charles Quéclin, qui est un compositeur français, comme vous savez, que, malheureusement, on joue trop peu. Et, mon Dieu, c'est à peu près les choses les plus marquantes en ce qui concerne Paris. Mais naturellement, sans oublier les ouvrages qui sont maintenant beaucoup plus classiques, les symphonies de Honegger, de Millau, etc., etc. Manuel Rosenthal a gardé le souvenir d'un concert assez exceptionnel. Il s'agit de Zarathoustra. Beaucoup d'orchestres ont participé à la vie du Théâtre des Champs-Élysées, et parmi lesquels tout de même le grand orchestre officiel de notre conservatoire, celui qu'on appelle la Société des Concerts du Conservatoire, dont le cadre ordinaire est justement le Théâtre des Champs-Élysées, qui est un bien bel orchestre que j'ai eu la joie et l'honneur de diriger quelquefois. Et en particulier, si je veux situer quelque chose qui me rappelle un souvenir émouvant, c'est une audition extraordinaire que m'offrit l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire au Théâtre des Champs-Élysées, du grand poème symphonique de Richard Strauss, ainsi par la Zarathoustra. C'est une œuvre immense qu'on joue peu en France parce qu'elle nécessite un déploiement orchestral très coûteux et très compliqué. Mais j'ai eu la chance de bénéficier une fois de ce concours somptueux et je ne suis pas prêt d'oublier l'exécution que m'en offrit la Société des Concerts du Conservatoire. Marguerite Long a beaucoup joué au concert du Conservatoire, comme d'ailleurs à beaucoup d'autres concerts. C'est Charles Vann qui l'interroge. Je crois, Madame Long, que vous avez très souvent joué la balade de Fauré au Théâtre des Champs-Élysées. Oh oui, j'ai fini avec la balade aux Champs-Élysées pour le 25e anniversaire de l'Orchestre National. Je l'ai joué avec Engelbrecht, qui était un des premiers qui avait dirigé l'Orchestre National. Et puis, l'avant-dernière fois encore où j'ai joué, c'est aux Champs-Élysées pour la Société des Concerts. J'ai encore joué la balade. Mais j'étais dans un mauvais état, parce que figurez-vous que j'étais tombé. Quittens me téléphonait, me disait « c'est pas la peine de répéter ». Vous comprenez, j'avais tellement joué avec lui. Et moi, je suis très consciencieuse. Et puis ça m'amusait, alors j'ai dit « non, je vais y aller tout de même ». Et j'y suis allée le vendredi répéter, le samedi pour la répétition publique et le dimanche pour le concert. Je marchais difficilement, mais je m'appuyais sur l'épaule des violonistes, des musiciens, pour n'avoir pas l'air de boiter. Alors, je me dis, on va dire, mon Dieu, comme elle est gentille avec les musiciens. C'est vrai que je suis très gentille parce que je les aime beaucoup, tous les musiciens. Ils m'ont toujours fait des concerts, ils m'ont toujours accompagné avec une gentillesse incroyable, et je les aime beaucoup. Mais alors, c'était une tendresse. Et quand on a bissé la balade, figurez-vous, le dimanche, le concert, et je raconte ça parce que c'est assez drôle, parce que la première fois que j'ai joué la balade à la Société des Concerts, c'était en 1907, voyez. Et j'ai joué la balade là, et on m'a dit à la sortie, il y a des gens qui me félicitaient, et qui me disaient, madame, quel joli doigt vous avez, mais quelle musique obscure. Écoutez la musique de Fauré. Alors quand on me l'a bissé ce jour-là, la dernière fois que j'ai joué à la Société, alors, Quittens m'a dit, écoutez, vous êtes fatigué, ne le bissez pas, ça n'a pas d'importance. J'ai dit, comment on peut la bisser? Autrefois, on m'a dit que c'était de la musique obscure, il y a 30 ans, et maintenant on me la bisse, mais je la jouerai 6 fois s'il faut. Marguerite Long a prononcé tout à l'heure le nom de l'Orchestre National. C'est en effet l'un des grands orchestres qui se produisent au Théâtre des Champs-Élysées. Et si vous le voulez bien, tout d'abord, nous allons demander quelques impressions au grand chef d'orchestre, Paul Kletsky. Mon premier concert à Paris, après la guerre, après la libération, était au Théâtre Champs-Élysées avec l'Orchestre National. Ce sont des souvenirs extraordinaires que j'ai à travers les orchestres avec lesquels je jouais et aussi les solistes, n'est-ce pas, quand je pense que j'ai eu de grands solistes, de grands amis avec qui j'ai partagé, disons-nous, le succès, le travail. Alors, ça, tout est très, très sympathique. Après, si je ne me trompe pas, il y a pas un souvenir personnel, mais je savais que, par exemple, la création de Sacré Printemps de Stravinsky était au théâtre Champs-Élysées, qu'il y avait des bagarres, etc. C'est tout très, très, très sympathique. Est-ce qu'il y a eu pour vous des bagarres au théâtre des Champs-Élysées lors de premières auditions, par exemple? Pas des bagarres, mais il y a un souvenir extraordinaire, et je dois rire toujours. Je dirigeais, dans un des premiers concerts, je dirigeais la Pathétique de Tchaïkovski, et comme vous savez, ça finit un peu tristement. Les héros, n'est-ce pas, meurent, il y avait un gong, et après il y a une espèce de finale, n'est-ce pas, qui dure 2-3 minutes. Alors il paraît que pour les poulaillers de Paris, au Théâtre Champs-Élysées, ça durait un peu trop longtemps. Moi, j'étais très sérieusement dans la musique, et tout d'un coup, j'entends du poulailler, « Monsieur, concluez, concluez !» Je ne savais pas comment réagir, mais après je me suis dit, c'est un bon signe. En tout cas, le poulailler a écouté la musique et n'a pas dormi. Alors ça, c'est très, très bien. J'aime beaucoup quand le public réagit dans le positif ou le négatif. Et ça s'est passé aussi au Théâtre Champs-Élysées. Après, il y a encore une chose qui m'est très, très sympathique, que je n'oublierai jamais. J'ai pu assister une ou deux fois au concert final de concours donc Marguerite Lon-Thibault. La dernière fois que j'étais là, j'ai entendu le premier prix de piano, c'était une russe, Medivani, qui m'a fait une très, très grande impression. Alors, ce sont des choses qui restent toujours. L'Orchestre National a créé beaucoup d'œuvres modernes et de jeunes compositeurs comme André Jolivet savent ce qu'ils lui doivent. Pour moi, la salle du théâtre des Champs-Élysées se trouve liée à d'autres souvenirs émouvants. Particulièrement la création à Paris de mon oratorio La Vérité de Jeanne sous la direction de Manuel Rosenthal avec l'Orchestre National et en soliste des gens comme Jeanne Rhode qui était très peu connu à cette époque-là mais qui a été rapidement apprécié, vous en avez eu la preuve, et Denis Charlet, Irma Colassi, Jean Giraudot, André Bessières, Bernard Demigny et Paul de Rennes et tout récemment il y a quelques mois, la création de mon concerto pour violoncelle, joué d'une façon absolument admirable par André Navarra et accompagné d'une façon non moins admirable par l'Orchestre National, dirigé par Dimitri Korafas. Le jeune chef d'orchestre Robert Bronstein parle de l'un de ses aînés, Charles Münch, qui a été autant chef d'orchestre au concert du conservatoire qu'à l'Orchestre National. C'est, je crois, aux Champs-Élysées, effectivement, que j'ai eu pour la première fois la joie de voir et d'entendre Charles Münch. Ça se passait il y a déjà pas mal d'années, et j'étais à l'époque un jeune chef d'orchestre. J'ai été ébloui par cet homme, par sa façon de diriger. Il est difficile d'analyser avec précision les raisons de cet enthousiasme. Je crois en y réfléchissant qu'elles sont au moins au nombre de deux. D'une part, j'avais été frappé par le caractère chaleureux, spécialement chaleureux de son approche des œuvres qu'il dirigeait, qui leur donnait un caractère toujours émouvant et qui aurait pu suffire peut-être à enthousiasmer le public. D'autre part, il y avait aussi ce don du geste, pourrait-on dire, du beau geste, ample, large, généreux, qui est assez spécifique de Charles Münch et qui m'avait, à l'époque, enthousiasmé pour la raison très simple que ce geste s'accordait magnifiquement à la musique, s'intégrait littéralement à elle, lui donnait comme une transcendance particulière permettant une échappée sur quelque chose de très pur, en tout cas de très précieux. Ce qui, dans la façon de diriger, dans le mode de direction de Charles Münch, m'a le plus fortement impressionné, c'est peut-être ce mélange d'un peu de sorcellerie et de beaucoup d'amour. Un souvenir émouvant sur Charles Münch, c'est celui du violoniste Heinrich Schering. Figurez-vous que Charles Münch, avant de devenir le chef d'orchestre, acclamé partout dans le monde entier, aimé, adoré, admiré, était un magnifique violoniste. Et d'ailleurs, il était violon solo jusqu'à l'année 1930 du fameux Gewandhaus à Leipzig. Et c'est à ce moment-là qu'il avait acquis un merveilleux Stradivarius daté de la fin de la vie de Stradivarius de l'année 1734. Et ce violon, j'ai eu la chance de le connaître parce que au cours justement de notre dernière tournée aux États-Unis au mois de mars, eh bien, il l'avait avec lui. Et il le traitait avec un amour extraordinaire. Je sentais l'attachement qu'il avait pour ce violon. Mais il se plaignait amèrement en me disant, eh bien, vois-tu mon cher, ce violon, il mériterait d'être caressé. Ce violon mériterait d'être non seulement aimé, il mériterait de sentir la chaleur humaine. Et avec mes tournées de concert et avec mon activité de chef d'orchestre, malheureusement, je n'arrive plus à le faire. Ah, si je pouvais savoir qu'un jour, ce violon reposera, ou plutôt sonnera, dans des mains qui seraient des mains pieuses. Voici textuellement ce qu'il m'avait dit. Des mains pieuses. Et lorsque M. Münch voyait de quelle manière j'étais tombé amoureux de son violon, finalement il m'a dit, eh bien mon petit, si ce violon peut faire ton bonheur, moi qui me suis toujours refusé à m'en séparer, à le vendre, eh bien il sera à toi. Et voyez-vous, ça c'était aussi l'un de ces grands moments de votre vie que vous ne pourrez jamais oublier. Et depuis ce temps-là, je joue exclusivement ce Strad qui est donc l'ex Isaïe, l'ex Charles Münch. Olivier Messiaen parle des concerts Straram et aussi de l'Orchestre National où il a été joué souvent. Les Champs-Élysées sont aussi pour moi un grand souvenir car on y a donné ma première œuvre d'orchestre. J'étais à ce moment-là un petit jeune homme fort timide de 22 ans et c'est Walter Straram qui a dirigé Mes offrandes oubliées. C'était, je crois, en 1931. J'avais le cœur si tremblant que je n'entendais absolument rien de ce qui se passait sur la scène, mais je crois que l'exécution a été excellente et l'accueil a été très favorable, ce qui est assez surprenant. Il n'en fut pas de même par la suite. Walter Straram donna ensuite, 2 ans après, je crois, mon hymne Saint-Sacrement, toujours dans la salle du Théâtre des Champs-Élysées, et plusieurs de mes grandes auditions ont été faites aussi dans cette salle, avec la Société des Concerts, Mes Petites Liturgies par Jean Martinon, et avec le célèbre Orchestre National, ma Tourangali, la Symphonie, 4 fois, 2 fois par Rudolf Albert, 1 fois par Manuel Rosenthal et 1 fois par Maurice Leroux. Le Réveil des oiseaux, 1 première fois par Maurice Leroux, avec Yvonne Loriot au piano, et 1 autre fois par Rudolf Albert, également avec Yvonne Loriot au piano. Un des grands chefs de l'Orchestre National a été Roger Desormières. Maurice Leroux et Olivier Messiaen vous en parlent. Cher Olivier Messiaen, on nous met l'un à côté de l'autre parce que je pense que je vous dois beaucoup, beaucoup dans ma vie. Et particulièrement en ce qui concerne le Théâtre des Champs-Élysées, je me souviens de l'époque d'après-guerre où j'ai l'impression que les concerts qui y avaient lieu étaient un peu comme le complément de votre classe, la classe que vous faisiez au conservatoire à laquelle j'avais l'honneur d'appartenir. Je me souviens en effet de ces concerts extraordinaires de l'époque, de mes débuts au conservatoire. À ce moment-là, c'était Roger Desormières qui dirigeait. Et il y a eu 2 ou 3 concerts de Roger Desormières tout à fait sensationnels, en particulier un où il a dirigé comme jamais. Et il l'avait dirigé, c'était d'une clarté, d'une netteté, d'une précision de baguette absolument sensationnelle. Le programme comportait, si je me souviens bien, Parade de Satie, Le Tricorne de Manuel de Falla et Petrouchka de Stravinsky. Moi, je me souviens aussi d'œuvres anciennes, comme les Monteverdi. C'est là que j'ai entendu les Vêpres de Monteverdi. Ça m'a tellement ému que j'ai ensuite étudié attentivement cette partition et promené partout. Je me souviens aussi que Desormières, bien avant notre actuelle reprise des Anne Galantes à l'Opéra, avait monté l'Hippolyte et Aricie de Rameau, un chef-d'œuvre très oublié et véritablement un chef-d'œuvre. et il l'avait monté avec grand soin en refaisant lui-même l'orchestration, enfin en adaptant aux instruments modernes, puisque la plupart des instruments de Rameau n'existent plus. Il s'était donné beaucoup de mal et le résultat était remarquable. Oui, il avait d'ailleurs fait aussi d'autres révisions de cette époque-là, je crois. Des choses de, justement, de Rameau aussi, la suite des Ingalantes. Enfin, il avait revu beaucoup d'œuvres de cette époque-là. Et puis, il y a eu toutes les époques de musique contemporaine, aussi, toutes les soirées de musique contemporaine aux Champs-Élysées, vous vous souvenez? Et bien, il y a notamment celle où il a créé le Soleil des Eaux de Boulez. Oui, ça, oui, je me souviens très bien, avec Irène Joachim, je crois. Avec Irène Joachim, oui. Qui chantait La Complainte du Lézard Amoureux. C'est ça, oui. C'était très émouvant, on était. C'était très, très émouvant et c'était extraordinaire de monter ça à cette époque-là. C'était la première fois, je crois, qu'on montait un grand Boulez à l'orchestre. Et c'était une extraordinaire difficulté. Et je crois que les chanteurs et les musiciens d'orchestre suaient à grosses gouttes. Oui, et je crois même qu'on a été obligé de faire deux fois une partie d'enregistrement, tant que je me souvienne. Vous vous souvenez de ça? Ça se peut. Enfin, c'était très étonnant. Et alors, ensuite, il y a eu toutes les choses qui ne faisaient pas partie du répertoire ou du travail de l'Orchestre National. Je me souviens d'une représentation de l'Opéra de Vienne, extraordinaire, avec Krips, très extraordinaire, très, très émouvante, vraiment, de la pure musique. On n'avait pas l'habitude tellement d'entendre des œuvres de Mozart comme ça en France. Voici 25 ans que Antal Dorati fréquente les concerts du théâtre. Je suis venu ici, jeune homme, écouter les grands chefs Toscanini et notre grand chef Mengelberg et plusieurs d'autres. J'ai écouté des grands orchestres, des grands solistes ici. Et aussi j'ai dirigé comme jeune homme quelque chose parfois. Et maintenant je suis permis de revenir dans cette saison et de faire une œuvre à moi qui est très près de mon cœur. Écrite sur un texte français de Paul Claudel. Vraiment, je suis profondément ému que ça coïncide avec ce jubilé. L'œuvre musicale que j'ai mentionnée, c'était intitulée Le chemin de la croix, après le poème de Claudel, et comprend le texte intégral de Claudel. Une musique qui semble plus agressive pour le public, c'est celle dont nous parle Pierre Schaeffer. Mais lorsque nous avons monté avec Scherchen, qui dirigeait les déserts de Varèse, qui était, comme vous savez, un mélange de musique sur bande et de musique orchestre, j'étais un petit peu effrayé, parce que je pensais que les Champs-Élysées n'étaient pas exactement le lieu qui convenait à cette expérience. C'est un public qui va là, qui entend les grands classiques, et je ne vois pas pourquoi le public serait tout à coup brutalisé, avec une expérience qui, à vrai dire, à cette époque, c'était il y a 7-8 ans, était un peu prématurée. Il y avait quand même déjà le domaine musical, et certaines personnes du domaine musical viennent tout de même aux Champs-Élysées. Le domaine musical, c'est un petit peu après, enfin. Le domaine musical a d'abord eu son public bien à lui, dans des enceintes plus closes. Avant d'entrer à l'Odéon, il était plus confidentiel. Qu'est-ce que représente exactement pour vous votre mission de directeur de la musique concrète? Non, on me connaît comme l'inventeur, le promoteur, l'initiateur d'une musique concrète qui a eu une notoriété un peu regrettable, à mon sens, il y a 10 ans, et qui paraît maintenant un peu dépassée. En réalité, la musique concrète de 1948-50, au moment de la Symphonie pour un homme seul, de Bidule en Nutre, des œuvres que Pierre-Henri et moi avons composées ensemble, c'est une époque de fraîcheur, de découverte, de naïveté, qui était, non pas volontairement, mais qui s'est trouvé surréaliste du fait que nous faisions naïvement avec des bouts de musique ce que les collages des surréalistes avaient fait quelques 30 ou 40 ans plus tôt. Mais il n'y a pas d'œuvre artistique valable si l'artiste n'apporte pas sa vie. Arthur Rubinstein. J'exige quand même d'un artiste qui se présente au public d'être en forme, ça veut dire que, enfin, savoir techniquement ce qu'il a à faire, n'est-ce pas, présenter la chose proprement, d'obéir, n'est-ce pas, à la lettre, mais d'ajouter aussi à chaque concert ou à chaque performance de théâtre, enfin, n'importe quel moment où il se présente au public, aussi une goutte de sang frais. Et oui, finalement, un concert est une bataille, et c'est ce que nous dit aussi Manuel Rosenthal. Quel est le jeune musicien qui n'a pas été exécuté au théâtre des Champs-Élysées, qui n'y a pas reçu là les colibets, les insultes des pompiers et les applaudissements de la nouvelle vague? Il y a toujours une nouvelle vague, heureusement, et les nouvelles vagues succèdent au théâtre des Champs-Élysées, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Un théâtre comme ça va toujours être à l'avant-garde de Paris, cette avant-garde qui ne cesse pas de vivre. Et ce décor qui n'a pas bougé, qui n'est pas démodé, qui reste toujours, lui, justement, d'avant-garde, comme toutes les vraies belles choses, et qui servira toujours, très certainement, de fond, de décor, à toutes les belles manifestations artistiques de Paris. Une autre activité fort connue du Théâtre des Champs-Élysées, et elle dure d'ailleurs depuis 22 ans, c'est celle des musigrains. En effet, il y a l'évolution de la musique des jeunes compositeurs, mais il faut penser aussi à la formation des jeunes qui seront demain des amateurs de musique ou qui seront des musiciens. Gisèle Kuhn. Il y a l'évolution musicale des jeunes qui est destinée aux plus âgés, aux enfants qui ont déjà une formation musicale. Tandis que les musigrains, c'est tout à fait consacré au début de la musique et au balbutiement. C'est Madame Marbeau Bonnefoy qui en est la créatrice. Et je dois dire qu'elle a réussi parfaitement bien dans ce domaine. Et c'est Robert Blot qui dirige en fait tous les concerts éducatifs de Madame Marbeau Bonnefoy, qui dirige la Société des concerts du Conservatoire. Et les autres chefs d'orchestre de qualité tels que André Girard, Blarot, Jean Giton ont été des chefs invités par Madame Marbeau Bonnefoy. Et Robert Blot a dirigé en effet plusieurs concerts auxquels j'ai participé et j'ai joué de la musique contemporaine de compositeurs tout à fait célèbres tels que Jean-Frantzex, son concertino si délicieux, d'André Jolivet, le concertino pour trompette, piano et cordes que je dois jouer prochainement à la télévision. Et puis aussi quelques œuvres de Florent Schmitt, Raymond Loucheur, enfin de compositeurs tout à fait autorisés, Jean Rivier. Et combien d'autres ont été interprétés par mes camarades aussi, également, comme Darius Milhaud, Daniel Lesur. Je connais aussi très bien son concertino, que j'ai exécuté également plusieurs fois, de la musique de Paul Dukas. Enfin, je dois dire que Madame Marbeau Bonnefoy s'efforce à chaque concert de faire entendre une musique contemporaine afin que les enfants se familiarisent de plus en plus avec la musique des compositeurs de nos jours. Encore une fois, nous ne pouvons parler ici que des moments les plus prestigieux du Théâtre des Champs-Élysées. Et naturellement, nous ne pouvons passer sous silence ce festival, le célèbre festival de l'œuvre du XXe siècle, dont les animateurs furent Nicolas Nabokov, Fred Godbeck et le directeur du Théâtre des Champs-Élysées, Hervé Dugardin. Vers 1951, l'œuvre du XXe siècle a redonné au Théâtre des Champs-Élysées une version nouvelle de l'Oedipus Rex de Cocteau et Stravinsky. L'ouvrage avait été créé à Paris en 1927, où, mon Dieu, il avait été difficilement reçu. Cocteau évoque à ce propos la genèse de l'œuvre, et tout à l'heure, si vous voulez bien, Nicolas Nabokov nous racontera les différentes représentations auxquelles il a pu assister dans le monde, puis quelques souvenirs sur Stravinsky. Tout d'abord, Jean Cocteau. Nous avions eu une histoire assez terrible quand nous avons fait la première version d'Oedipus Rex, qui était alors une sorte de cantate qui n'était pas encore à la scène. Alors quand le public du Sarah Bernhardt, le public des ballets russes, qui s'attendait à une fête multicolore, a vu des messieurs et des dames en costume de ville sur une estrade et qui chantaient en latin, eh bien, il y a eu stupeur. Plus stupeur que scandale, du reste. Le sacre a mis très longtemps à devenir classique, et Oedipus Rex aussi. On commence toujours par les coups de bâton, et puis ensuite, les caresses arrivent trop tard. Et Stravinsky réagit comment ? Avec beaucoup de courage, mais il était très affaissé après cette espèce de désastre d'Oedipus Rex. Il habitait alors chez Pleyel, au milieu des tambours et des grosses caisses accrochées à son mur. Il faisait des quantités de recherches de rythme. Et je me souviens qu'il était assez consterné. Et je lui avais dit, mais c'est normal, n'est-ce pas ? Il faut faire sa maladie. Le public s'était déjà révolté pour Pelléas et pour l'impressionnisme musical. Et puis, tout à coup, il fallait changer les règles du jeu. Et vous connaissez les Français, ils aiment bien jouer au bridge et puis qu'on ne leur dise pas maintenant au whist. Et puis après ça, on joue au Jim Rami. Ils n'aiment pas beaucoup, dans le domaine de l'art, changer leurs habitudes. Et alors là, ils changeaient, ils bouleversaient, ils bousculaient toutes les habitudes. C'était une espèce de rage. Et ce qui est très curieux chez Stravinsky, c'est que nous étions tous très jeunes, et la jeunesse expulse volontiers ce qu'elle aime, parce qu'elle se croit envahie, elle croit qu'elle est aux prises avec un envahisseur. Quand j'ai écrit « Le coq et l'arlequin », je m'étais retourné contre le sacre. Et Stravinsky en avait pris beaucoup de mauvaise humeur. Nous avons été brouillés pendant plusieurs années. Et puis un jour, j'étais dans le midi, et nous étions dans le même sleeping. Pas tout à fait par hasard, du reste. Et Stravinsky, dans ce sleeping, m'a demandé de collaborer de nouveau avec lui pour Oedipus Rex. Et il m'avait beaucoup étonné en me disant « je voudrais un oratorio en latin ». Je lui dis « pourquoi ?» puisque c'est un drame grec. Il m'avait dit « parce que je trouve que le latin est une langue commode pour les chanteurs, c'est une langue d'église, c'est une espèce de grand oratorio, et nous n'aurons pas l'ennui des traductions. Nous aurons une langue que peut-être le public ne comprendra pas, mais qui n'a pas besoin de comprendre, puisque c'est une base, et qui sera plus commode à chanter pour les acteurs que si chaque fois ils chantent en anglais, en russe, en espagnol. » Et évidemment, ça a stupéfait un public qui était habitué à la foire de Nijni Novgorod, des ballets russes. Ce public a vu des dames et des messieurs en noir sur une estrade et qui commençaient à chanter en latin. Évidemment, le public a fait une drôle de tête. Nicolas Nabokov. Quand Cocteau avait montré ces grandes poupées qui devaient pantomimer l'action de Édith Roy, Stravinsky en était un peu étonné, sinon choqué. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ces poupées quasi tibétaines. Et surtout, je n'oublierai jamais la scène quand de arrière se levait cette énorme tête avec les yeux saignants de cette poupée à moitié lumineuse d'Édith Roy. C'est très curieux. Il y a très peu de temps, nous parlions avec Stravinsky à Rome d'Édith Roy. Il l'avait dirigé à Washington l'année dernière, et puis il avait vu comment on l'avait fait à Vienne. Tout à coup, Stravinsky m'a dit, vous savez, en rétrospective, je pense que la solution de Cocteau était la meilleure. Les chanteurs en costume, et derrière cette pantomime de poupées, de danseurs. C'est assez intéressant, rétrospectivement, de voir comment Stravinsky a réagi vis-à-vis de la mise en scène de Jean Cocteau. Le jeune compositeur Henri Dutilleux a été très impressionné par les concerts Stravinsky. À la période de l'œuvre du XXe siècle, Stravinsky avait dirigé plusieurs concerts. Je me souviens d'un de ces concerts au programme duquel figuraient trois œuvres importantes, la symphonie en trois mouvements, la symphonie en ut, et puis aussi le capriccio pour piano et orchestre que jouait Monicas. Et là, Stravinsky était au pupitre, et je dois dire que c'est une chose extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le revoir depuis au pupitre, à New York notamment, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de voir diriger Stravinsky pour aimer beaucoup sa musique, bien entendu. Mais là, sa présence donne quelque chose d'extraordinaire. Je préfère parfois d'autres interprétations par de très grands chefs, mais là, la présence de Stravinsky a apporté un élément extrêmement fort. Parlons encore du cas Stravinsky, car celui-ci est très enseignant. Nous voyons en effet le processus de toute œuvre, dans le fond, considéré comme un scandale à son départ, puis devenant peu à peu un chef-d'œuvre admis dans le monde entier. Ainsi, du Sacre du printemps, repris par Monteux et dont nous parle Nicolas Nabokov. C'était assez émouvant de voir Monteux diriger aussi parfaitement qu'il le fait le Sacre du printemps avec l'orchestre de Boston qui venait pour la première fois en Europe. Avec Stravinsky dans la salle, 39 ans après, dans le même théâtre des Champs-Élysées, et voir à quel point le goût du public avait évolué. Parce que l'ovation, qui était en partie une ovation sentimentale, parce que c'était très émouvant de voir ces deux hommes dans la même salle, le créateur et l'interprète faisant cette œuvre, une des œuvres, sinon la plus marquante du XXe siècle. C'était aussi important de voir à quel point cette œuvre est entrée dans le langage de nos vies musicales et combien cette œuvre est devenue une partie de nous-mêmes et non pas français ou anglais ou américain ou russe, mais de nous, hommes du XXe siècle. Fred Godbeck considère lui aussi qu'il faut un certain temps aux œuvres fortes pour s'acclimater. Aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer que le domaine musical ait jamais pu ne pas exister, tellement c'est entré dans les mœurs musicales de Paris. Mais à ce moment-là, 1952, Boulez était encore extrêmement discuté et j'ai plaisir de dire que j'ai été un des premiers à lui donner l'occasion de s'exprimer en public dans une revue que je dirigeais à ce moment-là qui s'appelait Contrepoint. Et quand nous avons établi les programmes de musique de chambre du festival du XXe siècle, Nicolas et moi avons tout de suite dit « Il faut faire connaître à un plus grand public ce musicien dont tous les initiés parlent déjà, mais qui n'est pas encore connu. » Messiaen, beaucoup plus connu, c'était à cette époque-là le jeune musicien français le plus en vue en France et à l'étranger. Or, Boulez avait été l'élève de Messiaen. Messiaen, très généreusement, l'aimait beaucoup. Et il a tout de suite accepté de jouer avec Messiaen une œuvre à deux pianos qui s'appelle Structure et qui a été donnée en première audition. Cette œuvre, naturellement, excitait à ce moment-là l'étonnement général. Et je voudrais ajouter un petit fait historique qui est à l'honneur de tout le monde que cela concerne. Je sais que Stravinsky, qui était dans la salle, disait « C'est peut-être très bien, mais cela ne me concerne pas. » Quelques années plus tard, Stravinsky a montré que cela le concernait beaucoup. Ce qui est merveilleux de voir Stravinsky, qui n'avait pas encore 80 ans à ce moment-là, mais qui n'était tout de même plus jeune et qui a eu cette merveilleuse souplesse, cette merveilleuse disponibilité pour reconnaître les valeurs auprès des jeunes et pour se les assimiler et en faire naturellement quelque chose de tout autre qui est du Stravinsky. Eh bien, voici deux musiciens dont les souvenirs sont liés à l'œuvre du XXe siècle. Tout d'abord, Henri Sauguet. La plupart de toutes mes œuvres symphoniques ont été créées par Rosenthal, par Desormières et par Engelbrecht, ont été données sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, que j'ai eu le bonheur d'entendre les œuvres de presque tous mes amis, de presque tous mes confrères sur cette scène illustre, que j'y retourne chaque fois avec le même plaisir, la même curiosité, la même émotion, que c'est un théâtre qui est prodigieux, parce que chaque fois que j'y vais, je me sens rajeuni de 40 ans. Henri Dutilleux nous parle de lui-même, mais aussi d'autres camarades plus jeunes. C'est en 1951 que Roger Desormières a présenté ma première symphonie en première audition à Paris. C'était d'ailleurs la première audition tout court, et un événement assez important pour moi, puisqu'il s'agissait de ma première œuvre symphonique importante. Et puis, quelques temps plus tard, Manique de la Bruchellerie a donné, dans un de ses récitals, ma sonate pour piano, que ma femme Geneviève Joie avait créée quelques années avant à la Société Nationale de Musique. Monique de la Bruchellerie l'a reprise de nouveau il y a 2 ans, aussi dans un récital. Nous parlions de Geneviève Joie. Est-ce que vous pouvez me parler de sa carrière aux Champs-Élysées? Elle a participé à de nombreux concerts. Elle a créé le concerto de Marius Constant à Paris. Elle a participé au concert que dirigeait Desormières, que dirigeait Rosenthal. Demandons à Nicolas Nabokov de nous rappeler ce que fut l'œuvre du XXe siècle. Si on me demande des questions concernant le théâtre des Champs-Élysées, la première chose qui me vient naturellement à l'esprit, ce sont les manifestations que Fred Golbeck, Hervé Dugardin et moi-même ont organisées en 1952 sous le titre « L'œuvre du XXe siècle », le monde de la musique, qui était divisé en 3 camps. Il y avait un camp qui était représenté par les compositeurs qu'on pourrait appeler néoclassiques, continuant les tendances nées à Paris dans les années 20 et développant très largement, et d'autres compositeurs et surtout des jeunes français, en particulier notre ami commun Pierre Boulez, qui commençait à adopter et adapter au langage français des principes, sinon des esthétiques, sinon des techniques, inventées par les compositeurs qu'on appelle maintenant du nom des classiques de Vienne, Schönberg, Berg, Weber. Le troisième camp était représenté plutôt par un camp politique. C'était l'époque du stalinisme de la plus grande réaction, d'ailleurs maintenant violemment dénoncé par les poètes, les musiciens, les écrivains et même les leaders politiques soviétiques. Mais c'était l'époque d'après-guerre où, à l'Europe de l'Est, on dénigrait tout l'art occidental, tout l'art qui est issu de ce qu'on appelait la décadence bourgeoise. Or, on mettait dans le même panier Schönberg, Hindemith, Stravinsky et même Debussy. Pendant un mois, on a vécu à Paris une espèce de rétrospective qui nous a tous très fortement encouragés. Nous avons par exemple joué des œuvres plus ou moins interdites en Union soviétique, des compositeurs soviétiques, dont des extraits de Lady Macbeth de Shostakovich, qui maintenant est complètement réhabilité et qui est faite par tous les théâtres de l'Union soviétique. Et nous avons fait chanter des poèmes exquis de Prokofiev sur des textes de Anna Akhmatova, une poétesse qui, à cette époque-là, était persécutée par le stalinisme, et Prokofiev lui-même, le Prokofiev de cette époque-là, était persécuté. Et maintenant, j'ai eu le plaisir d'apprendre que ces cinq mélodies de Anna Akhmatova sont comme ça des pièces de répertoire que Vishnevskaya les chante, que les grands chanteurs soviétiques les chantent tout le temps. Et donc, on a une espèce de plaisir rétrospectif qu'on a été en avance sur les événements politiques dans une certaine partie du monde. Ce théâtre, pour moi, c'est une espèce d'endroit hanté. Chaque fois que je passe devant ce théâtre où je dois aller une répétition, je pense à ces mois d'angoisse que nous avons passés et vécus ensemble avec Freddy Goldbeck quand j'organisais avec lui et avec d'autres amis le festival du XXe siècle, car c'était un festival que j'avais fait pour une organisation dont je m'occupe et dont je suis secrétaire général depuis maintenant presque 12 ans, le Congrès pour la liberté de la culture. Quand je passais devant ce théâtre, quand j'entrais dans le bureau du directeur d'alors, mon ami Hervé Dugardin, je revois à chaque fois tous les problèmes que nous avions. Premièrement, le problème de la répétition. Nous avions, pendant 4 semaines, nous avions affaire avec au moins 8 orchestres. Nous avions affaire avec 3 ou 4 compagnies d'opéra, de ballet. En plus de ça, nous avons fait des créations d'un ballet dorique, d'un ballet de Sauguet et d'un opéra de Vittorio Rieti sur le texte de Garcia Lorca, Don Pirlimplin. Tout ça, il fallait le faire au Théâtre des Champs-Élysées. Il fallait faire une espèce d'ordre de répétition qui était tellement compliqué que c'est devenu une charade. Je me rappelle quand est arrivé l'opéra de Vienne. Et l'opéra de Vienne m'avait envoyé d'avance une lettre qu'ils ne peuvent pas emmener les enfants pour le dernier acte de Wozzeck dont nous avons fait la première présentation avec l'opéra de Vienne sur scène en France dans le cadre du festival du XXe siècle. Oskar Fritz Schuh a dit qu'il n'amène pas les enfants parce qu'on lui a signalé que n'importe quels enfants dans des écoles françaises peuvent être trouvés pour chanter. Quand il est arrivé, naturellement, nous n'avions pas pensé à ces enfants. Et alors, il a fallu pendant 2 jours courir chercher ces sacrés enfants pour M. Oskar Fritz Schuh et pour Kaspar Neher pour les faire chanter dans le dernier tableau de Wozzeck. Cette très grande création que fut celle de l'opéra Wozzeck, Pierre-Jean Jouve nous en parle. Pour moi, plus particulièrement fut importante la série des exécutions du Wozzeck d'Aldenberg car c'est à partir de ces spectacles que j'entrepris une étude exhaustive de l'opéra. La première forme de Wozzeck à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, fut le déroulement musical en oratorio par l'Orchestre national de la radiodiffusion et plusieurs bons solistes, sous la direction de Yasha Orenstein, 9 novembre 1950. Ce grand musicien, qui avait eu l'honneur de conduire Wozzeck devant Berg lui-même, parvint à faire sentir la puissance du chef-d'œuvre et à indiquer sa structure, en dépit d'une traduction française déplorable du texte de Büchner, en dépit de l'absence du drame. Et ici, je raconte une anecdote. Le concert fut enregistré en privé, et je possède encore les disques. Sur le dernier disque, les deux phases entières sont emplies par les bravos et les clameurs du public. Wozzeck fut alors représenté au Festival de Salzbourg en 1951, une fois n'est pas coutume, avec la Philharmonique de Vienne, conduite par Karl Böhm. Puis l'opéra revint, exactement semblable, au Théâtre des Champs-Élysées, pour ce remarquable événement culturel que fut l'œuvre du XXe siècle, Exposition internationale des arts et de la pensée. Wozzeck fut donné en tête de programme les 2 et 3 mai 1952. À cette époque, j'avais commencé mon Wozzeck. Je fus donc présent à toutes les auditions, répétitions et doubles spectacles. La mise en scène pouvait être critiquée pour excès de réalisme. L'exécution musicale était considérable. Il est inutile de rappeler ici tel ou tel moment et son climax, de montrer les rapports surprenants entre l'invention et la forme. Il faut dire brièvement que la fête populaire à l'auberge, le scherzo établi sur un Ländler, les inventions du dernier acte sur un thème, sur une note, sur un rythme, sur un accord, et quant au drame, l'égorgement de Marie, suivi par le « si » onde hurlante du meurtre, étaient des réalisations vraiment extrêmes. Comme en ce même XXe siècle, on entendait aussi le monodrame « Erwartung » de Schoenberg, le public appréciait les premières formes de la langue musicale atonale à Vienne entre 1909 et 1917. Devant le Wozzeck, enfin considéré comme œuvre maîtresse, Madame Hélène Berg se trouvait présente. Elle avait voulu venir si l'on donnait Wozzeck dans cette ville. Sa très haute dignité et cette présence 17 ans après la mort de Berg la désignaient au regard de tous. Il y eut encore au Théâtre des Champs-Élysées un troisième Wozzeck, le 27 avril 1955, par l'Opéra de Hambourg sous la baguette de Léopold Ludwig. Les deux premiers actes semblaient parvenus à une cohésion plus puissante, dans une mise en scène transposée. Par contre, le troisième acte semblait manquer de sa solennité sacrificielle. Le Théâtre des Champs-Élysées a donc permis plusieurs grands éclairages de l'œuvre qui, on nous l'assure, va faire partie des créations de l'opéra sous l'impulsion de Georges Auric. Eh bien maintenant, venons-en à l'orchestre radio-symphonique, c'est Henri Barrault qui nous en parle. Je ne dirais pas que toutes mes œuvres ont été créées là, mais certainement les 4/5e en tout cas. Et tantôt par Münch, tantôt par Rosenthal, tantôt par d'autres d'ailleurs. Mais évidemment, c'est dans cette salle que l'on a joué le plus souvent de ma musique. On a créé là le mystère des saints innocents, des symphonies. Nîmes, en tant qu'opéra, a été créé à l'opéra. Maintenant, il y a une symphonie que j'ai tirée de Nîmes. Elle a été jouée, en effet, aux Champs-Élysées par Desormières. Mais ce n'est pas là qu'elle a été créée. Elle a été créée en Allemagne. Il y a eu quand même une très grande soirée à laquelle nous étions tous. C'était votre anniversaire, Henri Barrault. La radio a tenu à faire ça, à mon insu d'ailleurs, car je ne le savais pas. Je l'ai appris un beau jour qu'on allait faire un concert d'anniversaire. Bon, j'étais très content, naturellement. Et on a donné là quelques œuvres que j'avais choisies parmi celles que je crois les moins mauvaises. Je voudrais rappeler que l'une des œuvres d'Henri Barrault, créée d'ailleurs au Théâtre des Champs-Élysées, qui a pour titre « Offrande à une ombre », est dédiée à Maurice Jaubert. Le nom de Maurice Jaubert ne saurait être oublié dans un hommage à cette maison, car non seulement il fut l'un des chefs d'orchestre de l'opéra de chambre, la saison d'opéra de chambre qui eut lieu au moment de l'exposition de 1937, mais il dirigea lui-même souvent au Grand Théâtre. Et maintenant, arrivons-en aux souvenirs de quelques grands interprètes. Madame Bourdelle se rappelle avoir entendu ici Paderewski. Elle s'en rappelle avec émotion. J'ai entendu Paderewski jouer au Théâtre des Champs-Élysées. Et il a joué Chopin. Paderewski était, je ne sais pas si vous l'avez connu, il était beau, il avait beaucoup d'allure, et il venait sur la scène avec beaucoup de dignité et de simplicité, sans aucune prétention. Il venait, son piano était là, il ouvrait son habit comme ça, il s'asseyait et puis il jouait. Sa tête droite, jamais on ne croyait que cet homme allait jouer avec une pareille émotion à le voir. Eh bien, quand il a joué la marche funèbre de Chopin et qu'il est arrivé aux notes légères, si vous vous rappelez, il y en a un passage, j'ai eu une telle émotion que j'ai eu honte que les voisins voient mes larmes couler. Alors je me suis tournée pour regarder à droite. Les personnes qui étaient à droite avaient le visage mouillé de larmes. Les autres à gauche, c'était la même chose. Le théâtre entier n'était qu'un sanglot contenu. C'était merveilleux à voir. Henrik Schering. Est-ce que nous ne pourrions pas évoquer Yves Nat? Certes, d'ailleurs vous savez que c'est Yves Nat, au cours d'un concert à Paris, ce n'était pas aux Champs-Élysées, c'était dans une autre salle que j'aime beaucoup également, c'était salle Pleyel. C'est Yves Nat, sous la direction du grand chef roumain Georgescu, qui m'avait révélé, j'avais 13 ou 14 ans à ce moment-là, Schumann. Voyez-vous, moi qui ai commencé à travailler d'abord le piano, puisque mon premier professeur c'était maman, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, et ce n'est que 2 ans plus tard que je me suis senti attiré par le violon. Il est évident que j'étais plongé, j'étais baigné dans les œuvres de Chopin. Et Schumann, que je connaissais vaguement à ce moment-là, c'était pour moi bien entendu un grand compositeur, un grand romantique, mais j'étais très loin de me douter de ce que Schumann deviendrait pour moi plus tard. Et ceci, je le dois justement à Yves Nat. Yves Nat, dans le concerto en la mineur, m'avait révélé des subtilités, des larmes, des étreintes et des accents d'une telle force, d'une telle vigueur, un côté à la fois dramatique, un côté à la fois enjoué, c'était une pure merveille. Et je me rappelle ce concert qui a eu lieu donc à la salle Pleyel avec l'Orchestre Symphonique de Paris dirigé par Georges Georgescu. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai pu connaître ici à Paris, où je travaillais la composition avec notre chère Nadia Boulanger, et bien c'est à ce moment-là que j'ai eu une autre révélation, la révélation de l'art de Jacques Thibault. Et je dois dire que j'ai une chance extraordinaire, justement à cette époque, après avoir été touché par cette magie de Jacques Thibault, il m'est venu le désir de mieux connaître l'incomparable École française de violon. Eh bien, c'est Thibault lui-même qui avait désigné à mes parents que le seul, puisque lui, évidemment, Jacques Thibault voyageait constamment, il ne lui était pas possible de faire travailler un violoniste d'une manière constante, d'une manière ininterrompue. Eh bien, c'est lui-même qui avait suggéré à mes parents que son héritier, c'était Gabriel Bouillon. Gabriel Bouillon, avez-vous entendu le concerto d'Yves Nat, créé par le compositeur au piano, avec l'Orchestre national sous la direction si efficace de Pierre Dervaux? J'ai assisté à son concerto que j'ai trouvé admirable, et comme compositeur, je l'aime énormément. C'était un très grand bonhomme, c'était un grand génie. que malheureusement on n'a pas encore assez connu en France. On le connaissait comme pianiste, on le connaissait comme homme, mais comme compositeur on ne le connaissait pas, et il a fait des œuvres admirables. L'Enfer. L'Enfer est une œuvre gigantesque. Et il y travaillait depuis de nombreuses années. Il ne faisait que me parler de ça dans tous ses voyages. Il avait toujours ses papiers, il inscrivait, il raturait. Il était toujours en train de penser à ça, à son enfer, mais jamais à ses sonates. Et pourtant, il avait beaucoup plus de trac à jouer des sonates avec moi que d'écrire son enfer, où c'était très tranquille. Ivnat, interprète, est remonté sur la scène après un silence de 17 ans consacré à l'enseignement et à la composition. Ce concert fut donné au profit des Enfants Bleus. Les ovations, lorsqu'il entra en scène, durèrent de longues minutes. Et Claude Rostand était ce jour-là dans la salle au Théâtre des Champs-Élysées avec Wilhelm Kempff. C'est un théâtre où les artistes parlent plus gentiment les uns des autres, après tout. Ça me rappelle un souvenir personnel. D'ailleurs, une fois, j'avais emmené le pianiste Wilhelm Kempff, il y a de ça longtemps, une dizaine d'années, pour entendre Ivnat, qui donnait un de ses tout derniers récitals. Et Kempff est un homme qui est assez sévère pour les autres, quoi qu'il soit d'une extrême bonté. Et en sortant, il m'a dit, « Eh bien, avec Ivnat, j'ai pris une leçon. » Manuel Rosenthal parle maintenant de Clara Askill. Clara Askill, en 1938, n'était pas aussi célèbre qu'elle l'est devenue après la guerre. Elle jouait déjà merveilleusement du piano. Et la modestie même, le tact même, l'humilité, la douceur. Et elle me parlait avec une telle reconnaissance de ses maîtres, entre autres de Maurepin, que je n'ai pas eu la joie de connaître, mais tous ses élèves, et Clara Askill comme d'autres, m'en parlaient avec une intense admiration. Ils me disaient qu'il leur apprenait vraiment toute la musique, l'amour de la musique, le désintéressement que doit avoir un musicien, et puis il leur donnait l'appétit d'une culture générale. Donc Clara Askill, comme d'autres, était l'exemple vivant. Enfin, avec Gabriel Bouillon, voici le souvenir de Ginette Neveu et voici Oistrakh. J'étais du jury pour le prix Wieniawski. Ça se passe il y a très longtemps, je ne veux plus dire les nombres d'années. Ginette Neveu, Oistrakh et beaucoup d'autres grands violonistes étaient parmi les concurrents. Et dans la finale, je me suis trouvé un peu ennuyé parce que Ginette Neveu et Oistrakh, je les avais mis tous les deux premiers. Et il manquait 200 points à Ginette Neveu pour avoir le premier prix. Et ce sont mes 200 points que je lui ai donnés qui lui ont permis d'être première. Et Oistrakh, que je revois très souvent, très gentiment me rappelle ce souvenir qui n'était pas très gentil de ma part parce que je lui ai fait donner le deuxième prix. Et pour finir, Manuel Rosenthal évoque le souvenir de deux compositeurs disparus, Maurice Ravel et Béla Bartók. Maurice Ravel, j'ai connu l'homme le plus extraordinaire, le plus fin, vraiment le plus raffiné, le plus délicat que la terre puisse porter, le plus généreux, le meilleur, le plus intelligent, le plus doux aussi, quoiqu'il ait eu des violences quand une injustice le révoltait. Il ne pouvait pas souffrir l'injustice. C'était vraiment un homme, autant qu'un très grand musicien naturellement, mais les deux sont liés, comme Bartók. J'ai rencontré aussi Bartók, et ils se ressemblaient beaucoup, tous les deux de petite taille, tous les deux fins, très très fins, de manière, de langage, avec un œil si clair, et tous les deux détestant l'injustice, la méchanceté, s'élevant contre les injustices qui ne les atteignaient pas eux, mais qui atteignaient quelqu'un dans le monde. Beaucoup de musiciens, par exemple, doivent quelque chose à Ravel, ne l'ont jamais su, ne le sauront jamais. Bartók, j'ai eu la chance de le rencontrer en 1938 à Londres, au cours du Festival international de musique contemporaine qui se donnait là-bas, et au cours d'une réception où je me suis écarté de la foule, et qui assaillait le buffet, je me suis trouvé avec un autre sauvage qui était, heureusement pour moi, Bartók. Et je me suis présenté à lui et j'ai trouvé immédiatement le même homme rare et raffiné et exquis que j'ai eu la chance de connaître en la personne de Maurice Ravel. Ils se ressemblaient beaucoup d'ailleurs, tous les deux, de petite taille, l'œil malin et incisif, très intelligent, très vif et très bon tous les deux, très généreux. Bartók m'a pris, par exemple, que, ayant su que le gouvernement nazi avait organisé à Düsseldorf une exposition, si on peut dire, de musique judéo-marxiste, c'est-à-dire qu'elle consistait à faire jouer simultanément par des électrophones la musique des compositeurs prohibés, Stravinsky, Millau, etc., Mais Bartok, apprenant que sa musique ne figurait pas dans cette exposition, avait fait protester par l'ambassadeur de Hongrie à Berlin en demandant l'honneur de figurer dans cette exposition de musiciens prohibés. Je veux dire le courage qu'avait cet homme. Et quand on pense qu'il est mort de misère à New York, que sa femme n'avait même pas de quoi payer ses funérailles, qu'on a dû organiser une collecte parmi les compositeurs américains pour payer l'enterrement de Bartok. Et ça me rappelle que, donnant, toujours au Théâtre des Champs-Élysées, naturellement, la première audition en France du concerto pour alto de Bartok, avec le concours de l'extraordinaire altiste William Primrose, Primrose me racontait que, sur le manuscrit de ce concerto pour alto de Bartok, il avait vu en marge certains chiffres, et il m'apportait un jour un photostat de ce manuscrit. En effet, j'aperçus des chiffres qui ne signifiaient rien, même en pensant qu'un compositeur a quelquefois un code qui lui permet de noter rapidement certaines idées sans obligatoirement inscrire des notes. Tout de même, ces chiffres étaient mystérieux. Et Primrose me dit qu'il lui avait paru de même, mais que s'étant renseigné, il avait appris que le pauvre Bartok, sentant sa fin tout à fait prochaine, et ne voulant pas perdre un instant, composait avec le thermomètre dans la bouche afin de prendre régulièrement sa température qu'il devait donner à son médecin. Et c'est comme ça qu'il notait au hasard du manuscrit 39.2, 37, 38.4, c'était sa température. Henri Barrault, Jacques Bazire, Pierre Bertin, Gabriel Bouillon, Madame Bourdel, Robert Bronstein, Jean Cocteau. À l'occasion du 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées, RTF France 3 National vous a présenté 15 Avenue Montaigne. Production et interview recueillies par Sylvie Albert. Olivier Messiaen, aujourd'hui, Nicolas Nabokov, les grands concerts. Pierre Petit, coproduction Pierre Jacqueline Harpet, assistant Pierre Cazaret, présentation et réalisation Claude Pierre Rostand, Barbier. Arthur Rubinstein. Cette série d'émissions consacrée aux 15 avenues Montaigne a été diffusée pour la première fois sur la chaîne France 3 Nationale en avril 1963. Notez que les mémoires de Gabriel Astruc, l'un des créateurs, l'un des fondateurs de ce théâtre, le Pavillon des Fantômes, a été réédité aux éditions Mémoires du Livre.